chance, même si tes ambitions sont radieuses. Respecte-la, elle te respectera. Mais fais attention car la police t'inspectera. Bah oui. T'auras beau essayer de la quitter, foutu si tu l'as laissé guider. Ça sera trop tard le jour où elle t'affectera. Et grâce à elle, t'as rencontré tes vrais. De base des connaissances, avec le temps devenus des frères. C'est elle qui t'a bercé. Chez elle, trop de larmes et trop de sang sont versés. Ceux qui la côtoient sont versés. Compte sur elle pour percer. Dans l'illicite, c'est clair. C'est la rue, autrement dit la street. Celle qui t'attrape, qui te tire vers le bas, qui te fume peu à peu comme un stick. La rue, autrement dit la street. Celle qui t'attrape, qui te tire vers le bas, qui te fume peu à peu comme un stick. Ce monde est cruel, vous me faites partie des coupables que des victimes. Manipulé par des fils d'impute, le système donne des envies de kill. J'ai parlé avec des bandits, ils m'ont dit que la rue est maudite. Il faut vite qu'on en profite, parce que sinon ça va trop vite. C'est la jalousie qu'elle empeste, discret faut le rester. On surveille des faits et gestes, argent, respect, principe, valeur. Et pour frais celui qui l'atteste, elle transforme les voyous en acteurs. Elle attaque entre elles et discute pas. Vite money. Il faut en faire mais sortir un fer si hit pas. Bah oui. Non c'est pas un kiff, faudra faire la diff. Protéger la mif, c'est la loi du bif. Juste après la loi du clip. Et grâce à elle, t'as rencontré tes vrais. De base des connaissances, avec le temps devenu des frères. C'est elle qui t'a bercé. Chez elle trop de larmes et trop de sang sont versés. Ceux qui la côtoient sont versés. Compte sur elle pour percer. Dans l'illicite c'est clair. C'est la rue, autrement dit la street. Celle qui t'attrape, qui te tire vers le bas, qui te fume peu à peu comme un stick. La rue, la rue, la rue. Elle va me